Vous êtes assez fou. Oh, Coconut Oil. C'est pas mal de faire pas. La chronique aléatoire de Myriam Fugère. Et Yann Martel nous parle d'aide financière. Assemblage requis, ça commence quand ça, François? Tout de suite. OK. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mercredi 28 septembre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Duvieux. Oui, on aime commencer l'émission par une presque gaffe. François, t'as failli échapper ta bouteille d'eau. Non. Elle était bouchée. Elle était bouchée? Elle n'est pas débouchée. Ouais, mais ça n'est pas. Donc, si je l'échappe. Ouais, mais imagine ça si elle fait rien. T'as raison. C'est une gaffe qui paraît pas, tu sais. Non. Parce que quand tu penses trop à tes gaffes. T'en fais d'autres. Par en faire d'autres, comme, mettons, oublier de partir le truc qui fait que ton intro joue. T'sais. Oh là, arrête. Oh, on se chante pas sur des détails. Aujourd'hui à l'émission, on a notre amie Myriam Fugère qui s'en vient tout à l'heure vers les 8 heures avec sa chronique aléatoire. C'est pas juste une émission ordinaire, hein. On est très chargé aujourd'hui. Oui. On reçoit aussi Yann Martel qui va nous parler d'aide financière. Oui, de l'aide sur votre ching, votre cash. Ching. On a une invitée spéciale aussi. Oui, Valérie Belle-Rose, directrice du transport Mauricie. Donc, va nous parler de c'est quoi en fait le transport Mauricie. Vous avez entendu sûrement la publicité rouler sur nos ondes. Exact. Vous avez dit, mais c'est quoi ça? Exact. On va le savoir tantôt. C'est à quelle heure, c'est 7h30? Oui, aux alentours de 7h30. Parfait. Entre tout ça, il va y avoir évidemment la chronique C'est un fait. OK. Hein? OK. Oui. On n'a pas le choix. Hein? C'est ça l'affaire. Là. On va parler entre autres des Green Bay Packers. Hein. Moi, toujours des faits de football. Là. Tu sais que les sports, moi, c'est vraiment mon sujet préféré. Ouais. Vraiment beaucoup. On va parler aussi, étrangement, du frère de Gwen Stefani. Pourquoi est-ce qu'il avait quitté? Tu te rappelles qu'il était dans le band No Doubt avec elle? Non, je ne savais pas. On en parlera tantôt. Merveilleux. OK. Et puis, si on a le temps, il y aura aussi la collection NX. Oh. Si on a le temps. D'accord. Avec un chiptune. Si on a le temps. OK. Tu vas espérer qu'on va... Le gars, il va étirer ses questions. Bon, c'est le plan d'aujourd'hui à l'émission Assemblage Rocky. On commence en musique avec un petit peu de « On a créé un monstre ». Voici « Je pleure » ou « Je... » Je n'ai besoin de personne pour me l'attirer. Je suis dans Lovely Feathers. C'est quoi la pièce déjà? Louisa. Oui, c'est ça, parce qu'à chaque fois, tu me dis, c'est quoi déjà la pièce là? Et c'est très bon. J'adore cette pièce-là. Pour vrai, c'est fantastique. Je me rappelle l'année passée, j'avais écouté l'album au complet. Ah oui? Et j'avais pas trippé tant que ça. Il y a peut-être 2-3 bonnes chansons. OK. Sinon, le reste. Je te dirais d'écouter l'autre avant, le Hind Legs, le Fire Fluo. Là. Lui, tu. En tout cas, moi, début à la fin, ça ressemble un petit peu à Winter Gloves. Oh! Genre. Bref, vous êtes à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment de s'éduquer un peu. Voici, c'est un fait. On va s'éduquer grâce à l'Internet. Et grâce à Mathieu. Et grâce à Mathieu Plante, bien sûr. Professeur Mathieu Plante. Professeur. En fait, vous devez m'appeler comme ça dorénavant. Bon. C'est François qui l'a dit. Non. Pas ma faute. Donc, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Commençons par, moi, tu sais, les sports, c'est mon sujet, mon dada. Ouais. Hein, j'en parle sans cesse. Là. Donc, les Green Bay Packers, tu sais que sur leur casque, ils ont un G. Tu savais ça? Un gros G là, ouais, sur leur casque. Bon, ça veut pas dire Green Bay. Non? Non, étrangement, c'est pas ce que ça veut dire. Même si, là, on va y aller dans l'ordre des choses, là, même si les Packers sont l'avant-dernière plus vieille équipe de la NFL, leur logo qu'on connaît tous n'est pas arrivé avant 42 ans plus tard, après la fondation de la franchise. Avant ça, l'équipe avait utilisé plusieurs logos, mais aucun avait été placé sur le casque, avant que le gérant des équipements, George Brashear, a décidé de mettre un G dans le design en 1961. Même si ça a l'air évident que c'est Green Bay, ça veut dire, mais non, c'est pas vrai. Brashear voulait faire le mot greatness avec le G. Greatness, comme dans, tu sais, grandeur et c'est un grand groupe, tu sais, fameux et célèbre, là, genre. Oh. Donc, succès, si on veut. Donc, le logo de Brashear, dans le fond, a eu raison pour les deux premiers Super Bowls, au moins, parce que les Packers sont sortis champions après avoir eu ce G-là sur leur casque. Donc, voilà, pour les Green Bay Packers. Non, formidable. C'est comme le H des Canadiens. Le monde, des fois, ils pensent que c'est hockey, mais c'est pas hockey. C'est quoi? Habitants. Habitants, ouais, les Habs. Ouais. C'est bizarre un peu, hein, les habitants. Ouais. Ça fait bizarre. Mais ça date. Okay. Ouais, c'est ça. C'est une autre époque, hein? Une autre époque. Presque la moitié des gens du monde au complet vivent dans 6 pays. OK. Si on combine... vas-y. États-Unis, Chine... OK, oui, t'en as deux à date, oui. T'en restes 4. T'auras jamais les autres. Non. Oh, OK, moi j'en ai. Donc, les populations combinées de la Chine, de l'Inde, okay, des États-Unis, de l'Indonésie, du Brésil et du Pakistan... Ça fait 49,8% de la population du monde au complet. Ce qui veut dire qu'il y a presque autant de gens qui vivent dans ces 6 pays-là que dans les 187 autres pays souverains ou États souverains dans le monde. La Chine et l'Inde sont au sommet du nombre de personnes. Les deux pays, si on les met ensemble, ça fait 36,62% du monde. C'est énorme. Juste c'est énorme. Et ça doit monter. Oui, sans cesse. Ouais. J'imagine. Je sais pas si ça monte tant que ça en pourcentage, mais peut-être que tout le monde... Ouais, la Chine, jetez un œil là-dessus, ça va devenir la puissance. Ouais, dire. Exactement. Et ça sera pas trop long. Savais-tu que la fumée qui sort d'une fusée, tu sais, quand il y a un décollage de fusée, il y a de la fumée partout, là? Ouais. En dessous. C'est pas de l'eau, ça, non? Ben, c'est de la vapeur d'eau. Ah. T'as exactement raison. L'exhaust, comme on l'appelle, là, qui sort de la fumée, de la fusée, pardon, c'est 97% de vapeur d'eau. Appelle-moi professeur. T'es au courant de tout, toi, hein? On savait ça. Les scientifiques ont découvert que qu'il y a une genre de drôle de formation de nuages qui ont lieu autour des fusées. C'est causé par la vapeur d'eau, de l'exhaust des fusées. Environ la moitié de la vapeur qui vient de l'exhaust est injectée dans la thermosphère. J'aime ça dire ça comme ça, tu sais. Et puis là, elle s'en va jusque qu'est-ce que ça dit? Jusque dans l'Arctique. Elle gèle et ensuite devient des nuages noctilucents. Mais c'est pas de la pollution. C'est pas de la pollution, si je comprends bien. Ça, non. C'est cool. C'est quand même bien, ouais. Ensuite, toujours dans la chronique, c'est un fait. On parle un petit peu de No Doubt. C'est pas notre, notre créneau. La musique pop, ben, ici, à Sommage Rocky, mais quand même. Gwen Stefani, son frère Eric, était dans le groupe No Doubt avec elle. OK. Il a quitté en 1994 pour se concentrer sur son autre carrière. Et ce qu'on sait pas des fois, c'est que son autre carrière, c'était un animateur dessin animé dans les Simpsons. Un animateur qui, tu sais, c'est la personne qui fait les animations des dessins. OK. Je pensais à un animateur. Non, c'est ça. Comme Mathieu Plan. Non, pas autant de talent, moi, évidemment. Eric Stefani, j'imagine. Donc, il dessinait dans les Simpsons. Il dessinait dans les Simpsons, exactement. Donc, il a quitté No Doubt pour ça. C'est hot, quand même. C'est quand même. Oh, mais quand tu quittes ta carrière pour quelque chose comme ça, c'est bien. Là. Oh, ouais. C'est ta passion, tu suis tes rêves. Mais ça doit être payant aussi. Ça doit. Pour les Simpsons... Pour un succès comme ça, j'espère. Ouais. J'espère que c'est payant. J'espère qu'ils ont bien négocié, renégocié leur contrat chaque quelques années. En 1980, déprimant un petit peu ici, une victime de délusion. Comment tu dis ça en français? Des illusions, en tout cas, quelqu'un qui est un petit peu pas droit dans la tête, mettons. Bon. Qui était pas droit dans la tête. Ah. Okay? Le gars, il pensait qu'il avait deux têtes. Okay? Donc, il s'est blessé en essayant de tirer sur ce qu'il pensait être sa deuxième tête. Ben voyons donc. C'est arrivé ça en 1980. Victime de désillusions des deux. C'est ça. Un fou, tu sais. Faites pas ça, hein, non. À la maison. Là. Vraiment pas. Dans le même domaine... Domaine des personnes à deux têtes, d'accord? Edward Mordrake, OK? C'était au 19e siècle, d'accord? Il avait une deuxième tête à l'arrière de sa tête. Genre, il y avait comme un genre de jumeau siamois. Ça, c'est réel. Un jumeau siamois, mais à l'arrière. Donc, à la place d'avoir des cheveux en arrière, il y avait une genre de minuscule tête bizarre, OK? Qui pouvait pas manger, cette tête-là. Pas, il pouvait pas manger la tête, mais la tête pouvait pas manger. Et elle pouvait pas parler non plus, mais par contre, elle pouvait rire et pleurer. D'accord. Donc, Edward a supplié les docteurs de se faire enlever cette tête de démon, qu'il disait, parce qu'il disait qu'elle lui soufflait des choses horribles la nuit. Genre, elle lui disait des choses là, vraiment pas fortes. Genre, tu sais, que la tête parlait pas, mais lui, soit pensait que la tête parlait. Le mental. Ah, mais c'est vraiment bizarre. Y a-tu des photos? Il y a une photo, mais en tout cas, je sais pas si c'est une photo de ça. Je crois que c'est une photo de ça. À moins que ça. Non, mais ça peut pas l'être. Ben, ça peut pas l'être. Non. Mais là, 19e siècle. Ça n'a aucun sens. Ça doit être un truc, je sais pas. Bref, allez voir ça sur assemblagehockey.com. Il n'y a aucun docteur qui a été capable de l'enlever ou en tout cas qui a même voulu essayer. Le gars s'est suicidé à l'âge de 23 ans. Oh. En tout cas, c'est terrible hein, quand même. C'est ce qu'on dit, mais c'est sûr, c'est pas une photo de lui. C'est sûr que non. Oui, terrible. Certaines espèces de scorpions sont capables de vivre avec un seul repas par année. François, un scorpion, un seul repas, par année. Pas beaucoup, ça, non? Non, c'est pas beaucoup. Parlant de manger, il y a un... comment t'appelles ça? Pas une teinture, comment t'appelles ça? Là? Du colorant. Colorant alimentaire qui pourrait causer le cancer et qui est utilisé dans les oranges. C'est colorant Citrus Red No. 2. Donc, rouge agrume numéro 2. C'est listé par l'International Agency for Research on Cancer en tant que cancérigène de groupe 2B. Ce qui veut dire que c'est possiblement cancérigène pour les humains aux États-Unis. Fin de la phrase. Nocif pour les humains. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration ne permet pas le Citrus Red No. 2 d'être utilisé dans de la nourriture. Il y a une seule exception, c'est les oranges. Donc, aux États-Unis, le colorant est listé. On a le droit de l'utiliser pour teindre la pelure des oranges de façon plus orange. J'imagine que c'est peut-être pas si orange que ça dans la vraie vie. On sait pas. On a le droit d'utiliser, j'imagine, là-dedans parce qu'on mange pas les pelures d'orange. Donc, c'est correct. Tu vois, genre? Mais ouais. Ce colorant-là, si tu liches l'orange, pourrait être nocif. T'es peurant un peu? Ouais, un peu. Un petit peu peurant. Tu connais la série de jeux vidéo Sonic the Hedgehog? Ouais, je viens de voir la photo. Oui, c'est dérangeant un peu, mais c'est sûr que c'est pas une photo du gars. Sûrement la photo de quelqu'un d'autre qui a le même genre de problème. Spécial, si on veut, c'est très spécial. Oui. Spécial. Ouais, donc allez voir sur assemblagehockey.com pour le lien. Sonic the Hedgehog a été basé sur Michael Jackson, le Père Noël et Bill Clinton, nous dit-on. Ouais. OK. Nous dit-on. Ça va bien? Quand Sega voulait s'inventer une nouvelle mascotte pour faire compétition à Mario chez Nintendo, ils ont demandé à tout le monde dans la compagnie de dessiner leur propre personnage et à la fin, ils ont décidé de prendre un Hedgehog. C'est quoi un Hedgehog? C'est pas un porc-épic? Je sais pas. Caroline, je sais même pas. En tout cas, bref. L'animal là, qui est Sonic. Il peut faire une balle, t'sais, il se transforme en balle pour rouler, etc. etc. Bref, ils l'ont fait bleu. Pour avoir l'air du logo de Sega. Parce que le logo de Sega était bleu. Ils ont fait porter les bottes de Michael Jackson dans le vidéoclip de Bad, mais ils ont changé en bottes rouges à la place. Rouge pourquoi? Pour le Père Noël. Et on dit que sa personnalité est basée sur Bill Clinton. C'est ce que ça dit sur Internet. Est-ce vrai? J'ai mes doutes, mais c'est ce que ça dit. Il y a même une entrevue avec l'illustrateur de Sonic the Hedgehog là, sur le site. Ça doit être vrai. Oh. On s'imagine. Il y a un parc en Autriche qui passe la moitié de l'année sous l'eau. François. Comment tu dis ça? Un parc en Autriche qui passe la moitié de l'année sous l'eau. Green Lake à Tragos en Autriche est un parc et aussi le lit d'un lac. Donc l'hiver, c'est un parc avec des genres de places pour se promener, des bancs de parc, etc. Mais quand la glace et la neige des montagnes fondent pendant l'été, le lac se remplit et tous les arbres et les trails de promenade et les bancs sont toujours là, mais on a besoin d'un équipement spécial pour aller les voir. Ah! Étrange, hein? Ouais. T'as déjà eu peut-être des frissons quand t'écoutes de la musique? Non. Non, Loaiza de Lovely Feathers, t'as fait pas des frissons? Ouais, oui. Ok, j'étais d'accord. Bon. Donc, c'est causé par le relâchement d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, d'accord? Qui est déclenché par l'écoute de la musique. Et les frissons qui résultent de ça changent le battement de cœur, change la température de ton corps, change ta respiration, change plein de choses comme ça. On dit que plus il y a de dopamine qui sort, plus ça contribue à la réponse physique de ton corps. Donc, c'est la dopamine qui fait ça. Quand t'écoutes de la musique puis t'as des frissons, ben c'est ça. Ah, intéressant. Ouais. Il y a des... comment t'appelles ça le pays? Le Niger, le Nigeria, je sais jamais comment le prononcer celui-là. On dirait qu'on l'utilise jamais ce mot-là, puis je l'entends pas souvent. Mais bon, vous savez le pays, là, le Nigeria, Niger. Il y a des fattening rooms là-bas, des pièces, des endroits où tu vas pour grossir. Les gens riches peuvent payer de l'argent pour devenir gros. C'est dans la ville de Calabar ou Niger, mettons. Vous pouvez payer pour être c'est comme un fat camp, là. Tu sais, c'est comme les camps ça m'incire, mais le contraire, si on veut. Donc, tu utilises c'est comme un traitement de spa de 6 mois. Les invités peuvent doubler leur poids pendant leur séjour là-bas grâce à un régime grossissant. Donc, on mange sans arrêt, on dort et on prend son bain. C'est tout ce qu'on fait là-bas. Particulièrement efficace, c'est leur diète là, qui s'appelle... C'est genre un genre de gruau fait avec différentes affaires. Là. En tout cas, c'est décrit dans le texte, mais je comprends absolument rien. C'est comme du du porridge fait avec des cassava tubers. J'ai aucune idée ce que c'est. Bon, mais pourquoi est-ce que les gens paient pour faire ça? François, tu me demandes ça, j'imagine. Ouais, c'est pourquoi? Ben parce que les communautés là-bas, c'est particulièrement pour les femmes, quand t'es grosse, c'est un signe de statut social. C'est un bon statut social. Donc, si tu prends du poids, c'est une façon de mériter le respect des gens. Et des fois, t'as besoin d'être grosse pour te marier. Ouais. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est bizarre. Ouais. Il y a un documentaire sur le sujet. Le lien est sur le site assemblagerequis.com. Et d'ailleurs, on dit dans un autre article que les femmes plus lourdes, d'accord, ont tendance à être plus intelligentes et produire des enfants plus intelligents aussi. Selon une étude publiée dans le journal Evolution and Human Behavior, plus t'as du lower body fat, le gras de corps, là, plus t'as une meilleure fonction neurologique. Les scientifiques ont découvert que le waist to hip ratio, le ratio entre la taille et les hanches, peut être utilisé pour prédire la fonction cognitive de la personne et la fonction cognitive de leurs enfants. Donc, les femmes qui ont un plus faible WHR, là, c'est le ratio entre la taille et les hanches. Et donc, les femmes qui ont un taux très faible de ça et leurs enfants avaient de meilleurs scores sur les tests cognitifs. Ah! Eh ben. Et parlons pour terminer de partie du corps assurée. Tu sais qu'il y a des gens qui font assurer des drôles d'affaires en vie. Dans une cascade publicitaire en 2007, la compagnie de pâte dentifrice Aquafresh s'est pris une politique d'assurance de 10 millions de dollars pour le sourire de la vedette de la télé, là. America Ferrera, tu sais, de Ugly Betty. Cher Betty, tu la connais? Jolie jeune fille. Oh, ouais. Dans les sœurs, les jeans. Là. Mais je comprends pas l'importance. Mais il n'y en a pas, il n'y en a sûrement pas. De faire assurer soit des parties du corps ou... je trouve ça, en tout cas. Ridicule. En veux-tu d'autres, des gens qui ont fait assurer des affaires bizarres? Les jambes de Heidi Klum sont, ou étaient, là, on ne sait pas si c'est au présent ou au passé, assurées pour 2 millions de dollars. Les jambes de David Beckham pour 70 millions, donc beaucoup plus importantes que celles d'Heidi Klum. Hein. La voix de Bruce Springsteen assurée pour 5,7 millions. Bruce Springsteen, le boss. Les 5 de Dolly Parton pour 600 000 $, même pas un million pour ça. Voyons, non. Bien cheap. Ça vaut bien plus que la voix du boss. le corps au complet de Daniel Craig, James Bond, 9,5 millions. Et les jambes de Mariah Carey, 1 milliard de dollars. Milliard, François. Mais ça, c'est quoi? Il t'arrive quelque chose et puis l'assurance paye? C'est ça, exact. Wow. Eh bien, hein? C'est formidable. Formidable. Voilà pour la collègue, c'est un effet, François. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir, François. Formidable! Ben ouais, est-ce qu'on s'en va entendre un petit peu de pâte à rose ici, là? Pâte à rose? Oui. Elle a des belles jambes, en fait, sur la pochette. Ben, elle a tout, en fait, pour elle, je te dirais. Fanny Blue, pas mal tout. Pour elle. Voici Décapote version Country Beach. Assemblage requis. Sur ses fous. On va juste regarder ses jambes. Tends-toi sur la banquette arrière, ferme-le. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Vous êtes toujours assemblage requis au 89.1 FM. C'est fou. C'est fou dans vos oreilles. Oui. Et là, présentement, en fait, on va recevoir Mme Valérie Belle-Rose, directrice au transport collectif de la MRC de Masquinongé. Bonjour, Mme Belle-Rose. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ben oui, ça va très bien. Merveilleux. Donc, vous êtes directrice du transport collectif de la MRC de Masquinongé, c'est bien exact? Oui, exactement. Et puis, ce matin, en fait, vous allez nous parler du réseau de transport Mauricie. Absolument. Donc, nous avons lancé un beau réseau de transport pour tout le monde qui habite en Mauricie. Donc, que ce soit entre la MRC de Masquinongé, la MRC des Chenaux, les gens de Trois-Rivières. Ensuite de ça, en montant vers la TUC, on a Shawinigan, la MRC de Mekinac. Donc, tout ce beau monde-là se sont organisés ensemble pour que les gens puissent se déplacer de façon facile. Donc, que ce soit pour aller travailler, pour aller suivre ses cours à peu près n'importe où. Donc, autant les campus de Shawinigan que Trois-Rivières. Donc, nous sommes en mesure de se déplacer partout en Mauricie. OK, merveilleux. Et puis, c'est ça, en fait, j'ai été visiter votre site Internet. Et puis, c'est quand même fascinant qu'on retrouve, en fait, là, le territoire, en fait, est si vaste. Et quand même, il est tout couvert par vos services. Oui, absolument. Donc, c'est un grand avantage, dans le fond, d'un réseau de transport comme ça. En réalité, dans chacun des territoires de MRC et des villes, donc il existe, donc on connaît la Société de transport de Trois-Rivières, le réseau de transport de Shawinigan, et aussi en milieu rural, il existait déjà des corporations de transport qui permettaient aux gens en ruralité de se déplacer, avec différents moyens, par exemple, qu'en ville. Donc, en milieu rural, on n'est pas en mesure d'avoir des autobus qui circulent à tous les coins de rue. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu complexe. Il manque de coins de rue dans certaines municipalités, peut-être. Mais la beauté de la chose, c'est que nos organisations peuvent permettre aux gens de se déplacer et à moindre coût. Donc, on s'est organisé aussi pour que pouvoir faire des liens entre chacun de nos territoires. Parce que souvent, on a des besoins pour aller vers Trois-Rivières, quand on est, exemple, à Louisville, qu'on soit à Champlain, à Saint-Maurice, on a besoin d'aller vers Trois-Rivières, mais aussi que ce soit de Saint-Boniface, Saint-Tite, pour aller vers Shawinigan ou Trois-Rivières. Donc, on est en mesure maintenant, grâce à ce réseau-là, de pouvoir, dans le fond, se déplacer partout. Donc, Parfait. Et comment est-ce qu'on fait pour utiliser ce service-là? Comment est-ce qu'on s'y prend? En réalité, pour simplifier le tout, ce que nous avons organisé, c'est que chaque personne qui a besoin d'une information, qui a besoin d'un transport, communique avec son service de transport collectif le plus proche de chez lui. Donc, peut-être que les gens ne connaissent pas leur service de transport. Donc, c'est pour ça que sur notre site Internet, nous avons organisé, dans le fond, un petit questionnaire. Donc, on vous demande votre origine, votre destination, et c'est ce qui va nous aider à vous diriger vers le bon endroit. La raison pourquoi on n'a pas nécessairement tous les trajets de diffuser avec les heures et tout ça sur Internet, c'est qu'on est en mesure, dans le fond, souvent d'offrir un transport qui est très personnalisé à la personne. Donc, on a plusieurs disponibilités qui évoluent beaucoup. Donc, vu que c'est un projet pilote, on est en mesure de répondre le plus spécifiquement aux besoins. Donc, la meilleure chose, c'est d'appeler son service de transport pour avoir le plus d'informations possible. C'est ça, parce que en fait, sur le site Internet, quand on rentre, mettons, départ, arrivée, là, en fait, là, il nous donne vraiment le numéro de téléphone où communiquer. Absolument. Donc, en communiquant au service de transport, on mentionne son horaire, c'est quoi son besoin, c'est quoi les journées qu'on a besoin. Et puis, on est en mesure, dans le fond, de vous dire c'est quoi les heures de disponibles pour un départ et pour le retour. Donc, dans le fond, avant de partir, la personne qui a réservé son transport, parce que c'est obligatoire de réserver son transport à l'avance. Donc, une organisation comme ça prend juste un petit peu plus de planification. Exact. Mais à ce moment-là, les heures flexibles qu'on offre permet aussi de répondre des fois aux horaires qui sont atypiques. Des fois, notre cours ne commence pas nécessairement aux mêmes heures que les travailleurs et termine pas nécessairement à 5 heures. Donc, l'offre de transport nous permet peut-être des fois d'aller offrir d'autres possibilités qui sont avantageuses, entre autres, là, pour les étudiants. Mais quand vous parlez d'offre de transport, là, est-ce que c'est des gens, en fait, qui sont rémunérés pour faire ça ou est-ce que moi, en fait, j'ai une voiture, je peux m'inscrire pour... Bien, en fait, il y a deux volets là-dedans. On utilise plusieurs types de moyens de transport, que ce soit des autobus qui font ces circuits-là, des taxibus. Donc, on utilise aussi des taxis. Une petite bus, une grosse bus, un taxi, c'est ce qui peut passer, vous prendre, ou ce qu'on vous aura, dans le fond, donné un point d'embarquement. Et par la suite, dans le fond, ça peut être aussi pour le retour un autre type de moyen de transport. Le deuxième volet aussi, on a du covoiturage qui existe sur le territoire. Donc, on est en mesure de référer les gens vers d'autres besoins de transport si le besoin en tant que tel, c'est de faire du covoiturage. OK, OK. Et puis moi, exemple, j'ai une voiture. Est-ce que je dois m'inscrire pour offrir mes services, si on veut? Bien, si vous voulez faire du covoiturage, ça peut être quelque chose qui peut être fait. Entre autres, dans Massinongé, on s'occupe du covoiturage aussi. Dans les autres territoires, c'est la même chose. Et puis, si vous avez votre voiture, ben vous constatez probablement que c'est y a des coûts qui sont importants. Oui, hein? Donc, à ce moment-là, ça peut peut-être valoir la peine de vérifier au niveau des circuits. Est-ce qu'il y a un circuit qui pourrait vous convenir? Et puis, à ce moment-là, ben pour les coûts, ça peut peut-être valoir la peine, une fois de temps en temps, d'utiliser le transport collectif qui se trouve être du transport durable. Et ça permet de laisser des fois la voiture à la maison. Pour ceux qui sont curieux par rapport au coût du service, comment est-ce que ça fonctionne de ce côté-là? Ben, c'est sûr qu'on couvre un grand territoire. Donc, la façon qu'on fonctionne, c'est avec des zones tarifaires. Mais, par exemple, si on regarde entre Louisville et Trois-Rivières, ça revient à 6 $ par embarquement. Donc, si on calcule ça sur une semaine, moins, dans le fond, l'usure d'une voiture, les pneus d'hiver qu'il faut changer bientôt, l'essence et le stationnement qui est à payer et à trouver, au bout de la semaine, ça vaut la peine. Oui. Donc, c'est 6 $ par utilisation. Donc, 6 $ le matin et 6 $ le soir? Exactement. Donc, dans la zone Louisville-Trois-Rivières. Donc, les autres zones tarifaires fonctionnent à peu près sur le même principe. Donc, je vous les élaborerai pas. Je vais vous inviter à contacter votre service de transport collectif. Formidable, formidable. Et pour un projet comme ça, j'imagine que vous avez eu de l'aide de vos partenaires? Oui, absolument. Donc, est-ce que, je sais pas, est-ce que vous voulez les mentionner? C'est certain. Donc, c'est toujours avec des belles collaborations. En réalité, c'est un réseau de transport qui n'aurait pas pu se faire sans toute la concertation, premièrement, des corporations de transport. Donc, la corporation de transport adaptée de Franchemont, le transport collectif de la TUC, donc du Haut-Saint-Maurice, la corporation de transport adaptée de Mekinac, la régie de transport de Shawinigan et la société de transport de Trois-Rivières. Et tout ça, c'est fait avec la collaboration de la Conférence régionale des élus de la Mauricie, ainsi que le ministère des Transports du Québec. Donc, c'est avec tout ce beau monde-là, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont joints à ce comité-là pour l'élaboration du réseau de transport de la Mauricie. C'est une première au Québec d'avoir un aussi beau grand réseau, donc aussi bien de l'utiliser. Fantastique. Et puis, en fait, c'est ça, est-ce que vous voulez rappeler peut-être l'adresse Internet, vos les contacts? Ben oui, absolument. Donc, pour savoir à quel endroit nous devons contacter pour avoir des informations, voir si c'est possible d'avoir du transport et connaître les horaires et les tarifs, il suffit de taper le transportmauricie.com. Et si vous connaissez votre réseau de transport collectif le plus proche de chez vous, ben il suffit juste de l'appeler, ils vont pouvoir vous donner toutes ces informations-là. Formidable. Merci beaucoup, Mme Bellerose. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Merci, au revoir. Bye. Bonne journée. Réseau Transport Mauricie. Oui, c'était Mme Valérie Bellerose, directrice du transport collectif de la MRC de Masquinongé. On la remercie encore une fois. Oui, merci beaucoup. Et pour ceux qui n'ont aucun moyen de transport et ont seulement un vélo, on écoute la formation de Bicycles. Mathieu. Voici One Twist Too Much. Cut to a steady fight, you'll never excel. la superstar. On marchait sur la main ou marchait sur la auto. Inéminimanimo, c'est qu'est-ce qui veut du jello. Si ton sport c'est du vélo, ben come on baby hello. Saut dans tout la caisse, on marchait sur la hay. Ok, j'explique, c'est 7-7-7 jet set dans ma minivan. Oh, that cost you my case in case, que ma case work pro. Hit case in case, que ma still work pro. Penny loaf of decks, you got that soul. Got the soul, got the gym. Nah man, wish work my tan. Shopping channel, all that scam. Copy, call it, shoot, come damn. Basically, so basic, so I'll make me penny loaf. Marcher sur la haie, j'ai dit plus broke, mieux y habiller. Marcher sur la haie. Pas un cent à mon nom, poste de Louis Vuitton. Une paire de deck shoes, pas de poids de bateau, un premier down. C'est même que ça se passe, quoi d'où tu veux je te dise. Buy-moi 15 minutes, puis watch mon pack de mes valises. J'dirais pas que j'suis pauvre, j'dirais plutôt que j'suis broke. Un gars, ça ne coûte rien, un peu sur la côte. Moi j'aime les couchers de soleil, puis watcher les bateaux. Avec de l'easy listening jazz, qui joue sur mon radio. Avec mes penny loafers. C'est la new edition, television, match le piano. Tout ça, de monde qui sait, tout le monde croit qu'il faut. Tout ça, de monde qui croit, les histoires des matelots. Moi je les ai trouvés sur le bout du chat en marchant sur la wall. Sans plus broke, mieux y habiller, marcher sur la haie. J'ai dit plus broke, mieux y habiller, marcher sur la wall. Plus broke, mieux y habiller, marcher sur la haie. J'ai dit plus broke, mieux y habiller, marcher sur la haie. Avec mes penny loafers ou avec mes tech shoes, je vais marcher sur la haie. Ou je vais marcher sur la haie. Avec mes penny loafers ou avec mes tech shoes, je vais marcher sur la haie. Ou je vais marcher sur la haie. Tech shoes de Radio Radio. Radio, radio, en parlant de radio, radio, hein? Mathieu, oui, festival d'envoi le macadam qui se déroule le jeudi, vendredi et samedi prochain. Même pas vrai. Je te le dis. Ah ouais. Je te le dis. Et puis Radio Radio va être en spectacle le jeudi, le 29 septembre. Ceux qu'on vient juste d'entendre juste là. Exactement. Puis, ceux qui avaient juste avant ça, Band mettons. Band of Skulls, ouais. Le vendredi 30 septembre. Non. Oui, juste avant Jean Leloup et... The Last Assassins? Exactement. C'est quoi les chances qu'on ait fait jouer deux groupes qui étaient en vol et, qui s'en vont en vol et macadam? Pratiquement à 100%. Oui, probablement. Probablement. Donc voilà, en fait, juste pour nommer quelques autres groupes qui vont être de la programmation, il y a Men Without Hats. Mathieu adore. Hein? Et puis, évidemment, en fait, il y a Rise Against, Flogging Molly et The Black Pacific. Et puis, il y a Blood for Blood le samedi avec I Am. Voilà, ça ressemble à ça. Cool, c'est jeudi, vendredi et samedi, en volée macadam, en collaboration avec la bière Tremblay. Tout à fait. C'est au centre-ville de Québec. Oui, la place là, est écœurante. Ah oui? Pour vrai, là, c'est en dessous du viaduc. Ah, c'est ça, cette affaire-là. Au parc de l'île... L'île. Fleury. Fleury. Ça se peut-tu? C'est exactement ça, l'île Fleury. Où tu vois ça? C'est à l'intérieur. Dans le petit... Okay. Bref, Lilo Fleury, c'est bien ça, François. Formidable. Je cherche pas, je te l'ai dit, c'est ça. Non, non, pas. Non, je l'ai cherché. Mais... Hey, tu es drôle. Arrête de chialer, là. As-tu fini? Non. J'ai goût d'écouter du chiptunes. Ben, ton souhait sera exaucé parce que... Non. Voici la chronique CNX. Dash.com. Hey, le coup de chance à chaque fois. La chronique commence. Ben, as-tu gagné, tu penses-tu? Non. Non. Yeah! C'est sûr que tu gagnais pas aujourd'hui. Ça arrive de me gagner. Des fois, je gagne. Ça arrive. C'est rare. Donc, CNX, aujourd'hui, encore une fois, les nouvelles geeks du moment. Depuis hier, en fait, il s'est passé bien des choses. Depuis hier, des choses très intéressantes, des choses très importantes dans le domaine de la technologie. On va commencer par contre avec un service qui n'est pas encore disponible au Canada, mais dont les nouvelles autour, là, ouais, fait peur un peu. Ben, pas peur. Gars, je t'explique, OK. Je sais pas si tu connais Spotify. Non. C'est un service d'écoute de musique. Bref, mais ils ont fait un changement de politique qui s'applique depuis la semaine dernière et l'entrée en vigueur d'un partenariat avec le réseau social Facebook. Il est donc impossible d'utiliser le service Spotify si on ne possède pas de compte Facebook. Hein? Le PDG du service de musique confirme et justifie cette décision dans un communiqué qui a été publié cette semaine. Il dit, je cite, « Étant donné que la plupart de nos utilisateurs sont déjà sociaux et sont déjà connectés à Facebook, il semblait logique d'intégrer les logins de Facebook et de Spotify. Mais donc, c'est tant pis pour les personnes qui voudraient adopter le service et ne possèdent pas de compte Facebook parce que ça arrive. » Il y a des gens qui sont contre ça. Ça, c'est bizarre. Tu sais, force pas le monde, là, je veux dire, à un moment donné. Non. Ça donne à rien. Absolument, ça absolument rien. Et je connais des gens, en fait, qui étaient abonnés à Facebook et puis ouais, qui ne sont plus, simplement. Et puis, c'est correct aussi. T'es pas obligé. Faut pas que tu sois obligé d'embarquer dans cette mode-là. C'est ridicule. Mais sinon, au pire, vous pouvez vous faire un faux compte avec un faux nom. Mais à un moment donné, peut-être qu'il va se faire fermer parce que vous avez pas d'activité dessus. Je sais pas. Ah, ça arrive, ouais. Je sais pas. Ben, je pense pas que Facebook va fermer des comptes volontairement. Ouais, non, c'est à moins que tu leur demandes. Non, c'est ça. Ça fait descendre le chiffre un peu trop. Parlons un petit peu de iPhone maintenant. L'événement est confirmé. On en parlait depuis des mois et des mois. Quand la date? Ça va être le 27 septembre? Ça va être à début du mois de septembre? Les gens faisaient des rumeurs là-dessus. Là, c'est confirmé. Ça va être le 4 octobre, le prochain événement iPhone de Apple. Donc, Apple a convié les représentants des médias à une rencontre qui va se dérouler le 4 octobre au quartier général de l'entreprise pour annoncer quelque chose par rapport à l'iPhone. Ils disent pas c'est quoi, donc on sait pas. Les rumeurs courent que c'est l'iPhone 5. Il y en a qui disent que c'est l'iPhone 4S, qui va être juste une version 4 modifiée. Il y en a qui disent que ça va être les deux. Qu'est-ce que ça va être? On sait pas encore. Les détails de l'événement sont pas précisés dans l'invitation qui a été lancée hier. Par contre, le thème, c'est « Parlons iPhone, Let's Talk iPhone ». On peut deviner que l'entreprise de Cupertino pourrait bien dévoiler la nouvelle génération au complet. L'ancien vice-président des États-Unis, Al Gore, qui siège sur le conseil d'administration d'Apple, a récemment déclaré que l'iPhone 5 pourrait sortir en octobre. Biaisé un peu, comme tu te la fermes pas un peu quand t'es sur le CA, t'es pas supposé garder ces affaires-là secrètes, mais bon, en tout cas, peut-être qu'il essaie de lancer des fausses pistes, on sait pas. L'événement il parle de quoi, d'octobre, non? Oui, qui pourrait sortir en octobre. Parce que bon. Là. Ben, le prochain mois, là, juste là, le mois qui s'en vient après septembre. Moi, je pense pas. Non, ben oui. Non? Non? Pourquoi? Toi, tu penses? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que d'ici la fin du mois d'octobre aux États-Unis, c'est sorti. Puis en novembre au Canada. Moi, c'est ce que je prédis. Ah. Et j'espère avoir raison parce que j'attends rien que ça. L'événement de la semaine prochaine, c'est sûr que je l'achète. Je suis rendu là dans ma fenêtre de contrat. Tu sais, les contrats des compagnies de téléphone au Canada sont bien, bien particuliers. Ouais. Après le deux tiers, là, tu peux commencer à prendre un autre, mais tu vas sans racheter pénalité. Les trois ans. Hein? Sans de pénalité, ouais. C'est ta phrase? Sans de pénalité? Oui. D'accord. Mais non, mais tu peux changer de téléphone sans avoir de pénalité. C'est ça. Dans le fond, il va falloir que tu les trois ans de ton prochain contrat pour l'iPhone 5 vont venir s'ajouter, ce qu'ils appellent empiler, là, stacking, à la fin de ton contrat. Donc, c'est ça qui me dérange un petit peu. Je vais l'avoir pour plus de trois ans et demi. C'est bon. Que voulez-vous, hein? Un nouveau modèle. À un moment donné, j'ai le 3G. Fait que ça va faire, là, le 3G. Hein? Ça fait un maudit bout, ça. Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton 3G? Je sais pas. Bonne question. Sérieusement, j'ai offert de le donner à ma copine, okay? OK? Mais étant donné que moi, quand j'utilise, il lag vraiment beaucoup et il est vraiment, vraiment extrêmement lent dans certaines applications, elle me voit chialer là-dessus puis elle veut pas que je donne mon iPhone. Mais je te donne mon iPhone. Ben, mon iPhone, ouais, I give it to you. À ce prix-là, là. À ce prix-là, tu le prends. Mais bon, que voulez-vous? Pourtant, l'année passée, quand elle a acheté son nouveau téléphone LG, imitation BlackBerry, mais vraiment raté, ça me dérange pas, j'en ai pas besoin du modèle le plus récent, moi. Tu sais, mais là, je donne un iPhone, puis elle veut pas. Bon. Ben, c'est la pire. Ben, c'est ça, je me dis, au pire, il va finir dans un tiroir ou quelqu'un qui le voudra le prendra. T'sais? Bon. On disait donc que l'événement de la semaine prochaine est le premier à survenir depuis que Steve Jobs a quitté son poste de PDG d'entreprise au mois d'août. Les actions de la compagnie ont atteint des sommets inégalés depuis son départ. Ensuite, toujours au sujet d'Apple, mais une nouvelle plus triste pour eux, ils ont pas réussi à obtenir la marque Multitouch. Ils revendiquaient la marque Multitouch. Là, ça, c'est le fait de pouvoir toucher à plusieurs doigts sur l'écran et faire des actions avec ça. Donc, Apple mettait en avant le succès commercial de l'iPhone pour le revendiquer. L'Office américain des brevets a toutefois refusé à deux reprises de lui accorder ce droit sur un terme considéré trop générique. Trop générique parce que tu peux toucher, tu peux faire du Multitouch. Tu sais, gars, moi, sur le cartable, en ce moment, je suis en train de faire du Multitouch. Ouhouhou! Ouais. Ah, regarde. Le site Mac Rumors rapporte les tentatives d'Apple depuis 2007 d'obtenir aux États-Unis la propriété de la marque Multitouch. Pour prétendre à cette marque, le constructeur a notamment argué du fait que le terme Multitouch était d'abord associé par les consommateurs à l'iPhone. Pas faux quand même. L'Office américain du brevet et marque a toutefois considéré dès 2010 en première instance qu'Apple n'avait pas apporté suffisamment de preuves étayant cette prétention. La firme avait fait appel de ce jugement. Mais c'était en vain, puisque l'USPTO a de nouveau donné tort à Apple, considérant notamment le terme multitouch comme étant trop générique, ainsi amplement utilisé par une large variété de publications pour décrire les technologies tactiles d'Android, des tablettes et des portables. Ah! C'est le même. Dans sa décision, l'office américain relève en outre qu'Apple n'a pas utilisé le terme multitouch sur ses produits, ni même sur leur packaging. Donc, dans le fond, c'est que quand tu achètes un produit, il n'y a aucune mention du mot composé multitouch. Donc, peut-être que si tu voulais vraiment le copyrighter, peut-être l'utiliser une fois de temps en temps, puis que le monde l'associe à ton appareil. Genre. Mais bon. Passons de l'autre côté de la clôture un peu à Android, qui attire plus de la moitié des nouveaux acheteurs de smartphones, François. Plus d'un nouveau client sur deux se tourne vers la plateforme de Google, Android, selon la dernière étude de Nielsen. La domination d'Android aux États-Unis se confirme et se renforce. Selon la dernière étude de Nielsen, l'OS au robot vert séduit massivement les nouveaux acquéreurs de smartphones entre juin et août. Sur la période observée, 56% de ces consommateurs se sont tournés vers Android contre 28% pour l'iPhone. On peut rappeler que la comparaison est difficile à faire puisque Apple propose un seul terminal contre plusieurs dizaines du côté d'Android, ce qui est complètement vrai. C'est comme comparer les Mac et les PC. Les PC, il y a des millions de compagnies qui fabriquent ça. Tu peux l'acheter à n'importe quel prix, à n'importe quelle gamme de produits, alors qu'Apple, tu sais, c'est bon. T'as le choix entre trois, là. Ouais, c'est un peu ça. 9% ont opté pour un BlackBerry, qui décidément perd chaque mois un peu plus de plumes. On s'en doute un petit peu. Mais une nouveauté de la compagnie canadienne pourrait changer la donne dans les prochains mois. On dit que 6% ont opté pour un système comme Windows Phone. Hein, Windows Phone à 6%. Et globalement, à la fin du mois d'août, 43% de la population américaine est équipée d'un smartphone. Android avec 43% et iOS, ça c'est l'iPhone et les autres, 28%, BlackBerry 18% et les autres, dont Windows Phone à 11%. Ça traîne la patte Windows du côté des téléphones cellulaires, alors que les ordi, pourtant, c'est ça qui est au sommet. T'sais. Ouais. Il est étrange quand même. Étrange. Du côté d'Apple, maintenant, un malware qui se fait passer pour Flash Player. C'est la firme Intego qui propose des solutions de sécurité informatique qui a rapporté avoir découvert un nouveau malware, c'est un logiciel malfaisant, hein, ciblant les utilisateurs de Mac OS X. Il se fait passer pour l'assistant d'installation du plugin Flash. Hein? Donc, on parlait récemment d'un cheval de Troie qui avait été codé pour le système d'Apple qui se déguisait sous la forme d'un fichier PDF. Et bien là, encore une fois, c'est une autre chose comme ça. Donc, faites attention quand vous installez pas Flash vous-même, quand vous n'avez pas demandé le téléchargement, peut-être ne pas cliquer sur suivant. Tu sais, là, on parle d'un premier virus, en fait, pour Mac. Ben, pas premier, là, mais disons que c'est un des importants en ce moment. C'est, ça fait peur un petit peu pour le futur de la plateforme d'Apple, mais en même temps, on est tellement loin derrière côté virus. Faut bien qu'on se rattrape. Hein? Faut bien qu'on rattrape les PC. Là-dedans. C'est ça qui est dommage parce que c'était un des gigantesques avantages des Macs. Mais bon, que voulez-vous? Faites attention. Mais de toute façon, tu sais, la plupart des utilisateurs. Non, j'allais dire une phrase que j'allais regretter, mais les utilisateurs de Mac, je l'ai dit souvent et je me suis fait reprocher. C'est quand même ce que je pense un peu là, à la base. C'est que les utilisateurs de Mac sont peut-être certains, mettons, un petit peu plus geek. Donc, tu sais, vont chercher ce système-là parce qu'ils veulent des options plus avancées sur le Mac. Donc, peut-être qu'ils font plus attention sur Internet. Mais en même temps, c'est faux parce que de nos jours, les parents payent leur portable à leurs étudiants, tu sais, genre à leurs enfants étudiants qui viennent l'acheter à Coop, le modèle de l'année passée. Mais bon, voilà. Ils l'achètent parce que leurs parents payent. Puis là, ben, ils utilisent ça parce que c'est ça qu'ils ont. Puis ils font pas attention. Fait que ça marche de bord. Tu veux pas poser d'opinion sur les étudiants, c'est correct. Non, mais écoute. Non, mais on s'entend. Là. On s'entend qu'il y en a qui l'achètent pour faire beau, là. Oui, non, ça c'est sûr. C'est ça. On a parlé un petit peu de la tablette d'Amazon hier. Les nouvelles continuent là-dessus. Et là, ça va être dévoilé aujourd'hui. Ça va être cet après-midi, si je me trompe pas trop, des heures là, que la tablette d'Amazon va être annoncée. Et comme notre émission est le matin, juste un petit avant-goût de ce que les rumeurs disent pour que demain, on puisse dire si on avait raison ou pas. Amazon devrait lever le voile sur cette tablette de 7 pouces Android, évidemment, qui pourrait être positionnée à un prix très agressif. Selon la plupart des observateurs et journalistes, il ne reste plus que quelques heures avant de découvrir la tablette d'Amazon lors de sa conférence de presse à New York. Son nom circule déjà depuis 48 heures. On dit qu'il s'agit de la Kindle Fire, un modèle de 7 pouces animé d'une version antérieure à Android 2.2, mais qui a été complètement paramétré, personnalisé et customisé par Amazon. Son design serait très proche de celui du Playbook de Rim. Ceux qui n'avaient pas de succès, on a parlé hier dans CNX qu'ils ont réduit de 100$ chez Best Buy et Future Shop, entre autres, la Playbook de Rim. Donc, ça marche pas super bien. Mais Amazon, s'il baisse encore plus que ça, peut-être même que le Playbook, la baisse du prix, c'était pour concurrencer. Peut-être qu'ils savaient déjà. Il y avait des rumeurs qui disaient que... Bref, on dit que le prix serait 2 fois moins cher que l'iPad. Donc, si le Kindle Fire n'apportera a priori pas grand-chose en termes d'innovation, c'est son prix qui pourrait faire bouger le domaine des tablettes. On parle de tarif de 250$, soit la moitié du prix de l'iPad. Moi, j'en veux deux à ce prix-là, tu sais. Tu peux faire ça? Selon un sondage réalisé aux États-Unis par Piper Jaffray, auprès de 410 acheteurs potentiels, 62% ont répondu qu'ils choisiraient une tablette Amazon à 250$ au lieu d'un iPad. Toi? Ben, je sais pas. Faudrait voir, là. Aucune des deux, hein? Non, mais je sais pas. Mais moi, personnellement, là, présentement, dans ma vie, je vois-tu, je n'ai pas besoin de tablette. Je vois pas l'utilité d'en avoir une. Moi non plus. Tu vois, c'est ça que la plupart des gens ont l'air de dire, mais pourtant, ça se vend. Ouais, ouais, ça se vend. Ça se vend, mais pour moi, madame sur leur divan, peut-être en regardant TV, je sais pas. Moi, la seule chose, en fait, que j'aimerais pour ça, c'est écouter, exemple, tout.tv. Oui, ben oui. Dans mon lit avec ça. C'est tout. Bonne idée. C'est tout. C'est tout. Bonne idée. Rapidement, des chercheurs de l'université américaine Tufts ont réussi à modifier génétiquement des bactéries E. coli, là, dans le but de faciliter l'encodage de messages secrets. C'est Radio-Canada qui rapporte que les bactéries ont été modifiées pour produire des protéines fluorescentes de différentes couleurs, permettant ainsi de faciliter les communications dites secrètes et de lutter contre la contrefaçon. Les protéines ainsi créées se présentent sous diverses couleurs lorsqu'elles se trouvent exposées à des ondes lumineuses de différentes longueurs. À partir de là, l'équipe du docteur Manuel Palacios a pu construire un code de lecture en associant les couleurs à une lettre. C'est comme un QR code, mais différent. Hein? Quand même. Cette méthode de cryptage a pour nom spam, qui indique steganography by printed arrays on microbes, impressions sur microbes. Eh ben. Et qu'est-ce qu'on. Je saute par-dessus quelques affaires pour mentionner une dernière petite chose. C'est Lionsgate qui a acquis les droits sur Dead Island afin d'en créer un autre film de jeu vidéo poche. Là, ça, c'était un commentaire éditorial. Un film. Ils vont créer un film sur Dead Island. OK. Au début de l'année, après la diffusion du premier trailer du jeu Dead Island, qui ne ressemble en rien au jeu final, Hollywood a démontré beaucoup d'intérêt pour créer un film. Deep Silver avait alors nié avoir déjà vendu les droits. Aujourd'hui, plus tôt cette semaine, c'était quoi hier? Lionsgate, qui connaît un mauvais été au box-office, avec entre autres Conan. Excuse-moi. Conan, c'est Conan O'Brien. C'est Conan qu'il faut dire pour le grand. Conan! The Barbarian, Warrior et Abduction annoncent l'acquisition des droits sur le jeu vidéo lancé il y a 3 semaines. Lionsgate affirme que le film de zombies innovera en se concentrant sur les émotions humaines et les lieux familiaux via une histoire non linéaire. Sean Daniel, qu'on connaît pour The Mummy et Dazed and Confused, entre autres, sera le producteur, supporté par Stefan Sonnenfeld. La prochaine étape est de trouver un scénariste et éventuellement un réalisateur et des acteurs. On est encore loin du tournage, mais bref, sachez qu'il y aura un film sur Dead Island. Parce qu'on n'a pas assez vu de films sur les jeux vidéo. On n'a pas assez de qualité. Il n'a pas assez, non. Ça fait dur, hein? Ça fait dur. Voilà pour la chronique CNX, François. Merci, Mathieu. Oui, avant la prochaine chronique. Merci. Comment? Merci. Ça fait plaisir. Avant la prochaine chronique, on se dépêche avec une petite pièce de chiptune pour terminer cette heure-là. Voici Misfit Chris et Skullcat. Tu vas l'aimer, une autre catchy. Toujours catchy. Bon. Et relax en même temps. C'est quoi le titre? Hein? C'est quoi le titre? Skullcat par Misfit Chris. Okay. Et après ça, ce sera Myriam Fugère, pas Myriam. C'est une fille mûre, mais Myriam Fugère. We'll be right back. c'est fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa, makes me wanna smoke crack. De retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis en ce mercredi 28 septembre 2011. Et lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Blount. On va arrêter de préciser les débuts d'heure quand on commence à édister. What? Salut, Myriam Fugère. Bonjour, salut. Madame. J'ai failli t'appeler Myriam tantôt. Je sais pas si je voulais dire Muriel, comme Muriel. Si t'avais 85 ans. Ben... C'est pas super beau, non. Non, c'est... Hey, t'insultes plein de monde. Myriam, j'aime pas ça, là. Ben oui, mais on va arrêter de prétendre qu'il y a peut-être une petite Muriel qui nous écoute. Peut-être. Bon, on la salue, si c'est le cas. Salut Muriel, on vient de t'insulter, total. Mais c'est pas grave. Appelle-nous. Oui, c'est ça, on va te donner des billets pour Envoler Macadam, mettons. Ça serait la petite Rockers. Envoler Macadam. Donc, Myriam, est-ce qu'on commence ta petite chronique, mettons, culturelle aléatoire? Oui, allons-y. On l'appelle la chronique aléatoire de Myriam. Suspense. Voilà. Donc, Myriam, bonjour. J'aime bien la petite face qu'on fait tous en attendant, tu sais. C'est long. On attend. C'est bon, par exemple. J'aime ça. Il y a du suspense. C'est excellent. C'est Beastie Boys, en passant. Donc, Myriam, on parlait un petit peu de Nutella tantôt parce que c'est notre sujet, la collègue aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Non, c'est mais un raconte. Sujet qui me lève le cœur. Raconte. Non, mais il y a des gens qui déjeunent, là. Oui, bien, êtes-vous en train de beurrer votre Nutella, de vous tartiner la toast de Nutella ou la de rôtie. Tout autre... Oui, la rôtie, mille excuses. Tu parles en français, Hein? Ben oui, hein? De tartiner votre rôtie de Nutella. Ben en fait, j'ai découvert, je sais pas trop si c'est hier ou avant-hier, une vidéo sur Internet qui nous montre une expérience qui a été faite. Bon, tu laisses un pot de Nutella sur le tableau de bord, j'allais dire. Tu parles bien. Sur le dash de ton char. Donc, sur le tableau de bord d'une voiture dans laquelle il fait très chaud, chaleur suffocante et tout ça. Et l'huile du Nutella remonte. Vous seriez surpris de voir à quel point il y a du Nutella c'est à l'intérieur. Trois quarts d'huile et un quart de... Pas de farce, là. Le vidéo dure encore un long moment et j'ai arrêté de l'écouter, rendu à peu près à la moitié de l'huile. J'avais mal au cœur. Puis après ça, ils viennent dire dans la publicité que c'est bon pour les enfants. Ils vont passer une excellente journée, c'est sûr. Crime, c'est de l'huile comme des frites. Ouais, eux puis le gras, ils vont bien s'amuser toute la journée, là, c'est sûr. Ouais. C'est dégueulasse. Bon déjeuner si vous avez ça. Moi, je vais continuer à manger personnellement. Ouais, moi aussi, je vais aller voir la vidéo. Je vais peut-être attendre une petite semaine ou deux. Là, Sans l'oublier un peu. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'en mangeais déjà pas beaucoup, là, mais là, je pense que je vais m'abstenir pour un moment. Tu fais bien. Donc, ton sujet d'aujourd'hui dans ta chronique aléatoire, Myriam. Ben, en fait, moi, je veux vous parler de Mathieu Girard et de Chélanie Baudin-Quintin, qui sont en fait des diplômés en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. En fait, comme on peut le constater en naviguant sur le net ou en lisant les journaux, bien, il y a beaucoup de nouvelles insolites qui sont partagées. Oui, c'est vrai ça. Il y en a énormément. Ça nous fait rire, ça nous dégoûte. Il y a vraiment beaucoup de façons d'appréhender ces nouvelles-là. On a toute une émission basée là-dessus sur l'heure du midi. En le plus. Le dîner de con. Voilà, donc, tu vois, donc pendant le dîner de con, on a beaucoup de nouvelles insolites comme ça. Eh bien, donc Mathieu Girard et Chélanie Baudin-Quintin, ben, ont décidé d'exploiter ce terreau-là et surtout de jouer avec, je te dirais. En fait, au début du mois de septembre, le Tandem a mis sur pied un projet de photoroman. En fait, c'est plusieurs réinterprétations de plusieurs faits divers insolites qui les inspiraient de façon artistique. Donc, ils se sont vraiment... ils se sont déguisés. Ils ont mis des perruques, ils ont fait des petites mises en scène pour créer, en fait, une série de livres, un photoroman, comme je vous disais. Donc, chaque composition a pris plus d'une heure, d'une vingtaine d'heures, pardon. Et puis, les deux premiers tomes de la série, en fait, ça a pris un an à les réaliser. Donc, pour deux tomes. Et puis, ce qu'on retrouve dans ces tomes-là, c'est des illustrations, des photographies retouchées, découpées, superposées. Et puis, ça forme des collages qui sont originaux. Et puis, chaque nouvelle est vraiment véridique. Ah, c'est véridique, véritable et vérifiable. Voilà, c'est ce que... C'est ça. Bon, l'intégration de produits d'Assemblage Requis. Voilà. Le slogan des autres chroniques sincères. C'est là. Oui. Donc, les nouvelles, comme je disais, sont véridiques. Et puis, elles touchent vraiment tout le monde. Les nouvelles insolites, ça peut aller chercher autant un politicien que ça peut aller chercher un enfant aussi, là, parce que tout le monde est surpris de sais, puis il y en a tellement. Il y en a tellement, ça n'a pas de bon sens. Donc, il y en invente, je pense, en fait. C'est des histoires, ouais, en plus, pour vrai, sauf là, que celles-là sont vérifiées, par contre, ouais, paraît-il. Excuse-moi. Donc, en fait, c'est des histoires qui n'ont pas besoin de contexte plus large pour être diffusées ou pour exister. Et puis, c'est en fait ce que nous explique Shélanie elle-même. En fait, j'ai vu un article, c'est un article dans la presse que j'ai vu dont, où il était un petit peu en interview, il parlait de ça un petit peu pas complet, là. Et puis, en fait, c'est des nouvelles qui sont farfelues, macabres ou tout simplement choquantes. Et puis, sont mises en scène vraiment de façon humoristique. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ben, ils ont dû s'en les dire, mettre des costumes, récupérer de vieux vêtements de leurs proches, mettre des perruques. Parce que Muriel, on tenait à spécifier. Mathieu a même dû mettre une perruque. Même? Hey, tu parles d'un défi et d'une... Wow. Il a poussé le bouchon loin. Là. Ouais, là. Wow. Ça m'avait fait particulièrement rire. Et puis, on nous avertit toutefois que les âmes sensibles doivent peut-être s'abstenir parce que le mauvais goût est vraiment en vedette dans les tomes 1 et 2. J'aime Donc, présentement, c'est ça, c'est les deux tomes que vous pouvez vous procurer qui sont sortis le 7 septembre dernier. Et puis, au printemps prochain, ben, vous pourrez vous procurer les tomes 3 et 4. Ils vont vite quand même, hein? Oui, quand même. Ben, c'est intéressant à les voir aussi. Vous pouvez aller sur Internet et taper vraiment vrai UQAM, peut-être. Là, tu sais, essayez de trouver sur Facebook aussi. Vraiment vrai, point d'interrogation. C'est le titre des tomes. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas dit depuis le début. Je viens de m'en rendre compte. Ben voilà. C'est... Alors, c'est vraiment vrai, c'est véridique et vérifiable. Wow. Et bien voilà. Donc, vous pouvez aller voir ça. Et puis également, sur le net, il y a, au début de l'été, en fait, j'ai découvert un blog d'histoire d'ustensiles. C'est un blog où les filles vont pouvoir se reconnaître et soit rigoler ou en pleurer, je vous dirais. C'est un blog... Vraiment, là, c'est un peu comme un journal intime, je vous dirais, d'une fille qui habite à Montréal présentement. Puis elle étudie en arts littéraires à Montréal. Et puis, ce blog, ça peut aussi s'adresser aux petits gars curieux qui veulent en fait en savoir plus sur les histoires de filles, là, tu sais. Ah oui? Ouais. Si tu veux apprendre à connaître une fille, là, ben, tu sais, ou les agissements. Mettons, tu fréquentes quelqu'un, là, puis tu vois ses agissements, puis tu dis, mon Dieu, mais elle est folle. À place de lire son full fille, ses magazines de filles qu'elle a dans son tiroir. Là. Quand j'étais plus jeune, j'avais un espèce de livre, ça s'appelait Le Dico des filles. Ouais. Et c'est une brique, là. Mm-hmm. Puis ça t'explique tout de la vie d'une fille. OK, puis ça, c'est, c'est pour les filles, ce livre-là. Les filles, ouais, ça, les puis... filles apprennent à être une fille avec le Dico des filles. Ah, ouais, c'est pas beau, ça. Ben, c'était semi-intéressant, là, mais moi, non. T'as dû apprendre quelques notions, quelques peut-être? Quelques bribes. Ben, tu sais, évidemment, là, moi, j'ai eu ce livre-là, j'avais peut-être 12 ans. Donc là, il y avait des trucs sur la sexualité, c'est quoi un bouton, le garçon, urk, tu sais, des affaires comme ça. Ah non, le bouton urk, excusez. Mais c'est le bouton, mais oui. Un gars pourrait, tu sais, un peu comme à la Raël, tu sais, fonder son propre mouvement de dictionnaire de filles, tu sais, puis pourrait essayer de vendre ça aux filles, puis les filles penseraient que c'est vrai, mais le gars, il pourrait y faire n'importe quoi parce qu'il écrirait des affaires que les gars veulent. Mais veulent quelle des idée géniale! Ben, je sais, je passe ça là. Ben, tu devrais. Ben oui. Est-ce que t'as dit .com? Ouais, ben, quelque chose .com, même, on me trouvait ça, me faire un site web avec ça. Let's go des filles par MathieuPlante.com. C'est ça. Bon, j'aime ça. Tu l'as. En tout cas, bon, le plaisir est vraiment garanti. C'est divertissant de lire ça parce que tu vois que c'est des histoires qui sont vraies, qui lui sont vraiment arrivées. Simplement, peut-être qu'elle romance un peu, elle fait beaucoup de poèmes aussi. Donc, elle nous livre ses activités, en fait, parfois un peu... c'est parfois un peu érotique, je vous dirais. Donc, encore une fois, âme sensible, s'abstenir. Oh. Et puis, c'est amateur, mais je vous dirais que ça pourrait se rendre loin. Et ça fait également rougir. Donc, ce journal intime-là, publié sur le net, nous provient de Sarah Maud Beauchesne, qui nous parle, en fait, de ses fourchettes. Qui, selon ces histoires, on finit par comprendre que c'est comme des épreuves qu'on a à passer, des blessures, une blessure qui est piquée en nous, je vous dirais, les fourchettes. Donc, c'est une espèce de métaphore, là, une façon d'expliquer les choses. Ce qui me fait plus rire, c'est son type d'écriture. Elle écrit de façon très spéciale. Y a des tirets, là, mettons... homme, elle parle de quelqu'un, homme vinyle qui sent le ta ta ta, tu sais, puis elle nous met plein des descriptions de personnages comme ça, si on veut, là, mais en ajoutant une espèce de complémentarité à son statut d'homme ou à son statut de fille qui sent le muffin parce qu'elle en a fait tout le matin. Donc, elle va ajouter ça. Elle est descriptive. Oui, elle est très descriptive. Et puis, je vais vous donner quelques exemples, justement, de ses comparaisons, de ses descriptions, de sa façon d'écrire les choses. Elle dit qu'elle a été dans un bar à bière pas super cher. Donc, c'est comme pour nous prouver que c'est peut-être un petit bar meter cheap. Ouais. Donc, ses doigts en forme de petits bâtons de xylophone. On se capotait dessus à se boire la bouche à travers une bière. Tu sais, c'est un peu poétique, un peu. Tu sais, on sent que. Ouais. Tu sais, moi, mettons, je te dirais pas ça. Alors, en tout cas, on se buvait à la bouche à travers la bière. Ben, tu sais, j'arriverais pas pour dire ça. Je trouve que c'est poétique puis c'est une belle façon de dire les choses. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Puis, ensuite de ça, comme je vous disais tout à l'heure, ben. Elle dit, moi, mon nom, c'est Sarah, tu te tannes tout le temps, avec plein de petits tirets comme ça pour expliquer le fait qu'elle se tanne tout le temps d'un gars. Tu sais, dès qu'elle a une situation agréable, c'est pas long qu'elle se tanne. Mm-hmm. Donc, c'est un folle, comme n'importe quelle fille. Quelle fille, pardon. Oui. Donc, moi, j'aimerais ça vous parler d'une histoire qu'elle a écrite qui m'a bien fait rire. S'il te plaît. C'était une petite anecdote cocasse, et puis elle a pas froid aux yeux. Là. Ça nous montre ça un peu. Donc, en fait, elle va dans un café où les gens ont coutume, en fait, de laisser un bout de nappe. Ou un petit papier sur lequel tu écris une note, une pensée ou quelque chose. Tu mets ça dans un tiroir. Puis là, tout le monde peut arriver puis lire un petit bout de papier. Qui est un concept quand même agréable. Oui, c'est comme un biscuit chinois, mais encore meilleur parce que c'est nouveau. Ouais. Ben, c'est ça. Oui. C'est différent c'est ça. Et c'est pas frit ni rien. Non. Donc, pas de Nutella nulle part. Et puis cette fois-là, ben, elle pige un petit papier sur lequel est écrit un classique. « Si t'as froid, appelle-moi ». En laissant un numéro de téléphone qu'on nommera pas parce que d'un coup, que ce serait le vrai. 555. Oui, c'est ça. 2-2-2-2. Donc, elle se dit, bon, ben moi, j'ai chaud, mais je me mène d'avoir froid. Puis, elle décide de composer le numéro. Donc, ça sonne, puis elle dit, salut, j'ai froid. Donc, le gars dit, ben, allô, tu sais, t'es où? Et là, elle, téméraire de même, là, mm-hmm. elle dit, elle est où? Mm. Elle a moi, mais les bras me tombent. Je me dis, mon Dieu, mais ça pourrait être... un prédateur dangereux. Stranger danger, comme on dit. Un étranger, c'est dangereux. Ben voilà. Mm-hmm. Hein, on le dit aux enfants de pas faire ça. Ben c'est ridicule. En tout cas. Puis, c'est ça. Elle lui dit, donc, elle est où? Puis, il lui dit, ben, attends-moi dehors, là. J'arrive. Fait que là, elle l'attend en avant du café. Elle est en avant du café, elle l'attend. Mm-hmm. Avec son petit scone, là. En tout cas. Puis, là, ils décident de partir, les deux. Elle est sur le guidon de son vélo, elle est bien heureuse. Puis elle finit par, on se rappelle que c'est Sarah, tu te tannes tout le temps. Là. Oui. Donc elle finit par se tanner, puis elle se dit qu'il est même pas beau, puis que c'est juste un garçon napperon, un garçon bout de papier. Donc c'est comme pour vous. Puis elle décide de s'en aller comme ça, puis elle dit en tout cas, je veux rien savoir, là, ça. Puis elle s'en va. Oui. Donc c'est pour vous montrer que les filles sont un peu. Changeante, là. Oui, dur à suivre. Les gars aussi. Non, non, un exemple. Les gars aussi peuvent être difficiles à suivre. Ben, on généralisera pas pour les filles non plus dans ce cas-là. Mais les gars aussi peuvent être difficiles à suivre. Mais bon, en tout cas, j'ai pas vu de gars qui ont fait des blogs comme ça. Alors, elle, je trouve ça le fun parce qu'elle met vraiment carte sur table. Mm-hmm. Puis, c'est quand même des histoires qui sont plutôt amusantes. Alex Nevsky, que vous connaissez sans doute. Oui, l'artiste. Mm-hmm. L'artiste musical. Alex Nevsky. Mm-hmm. Mon Dieu, pas facile à dire maintenant. Alex Nevsky. Donc, a collaboré au blog pour un texte. C'est dans les premiers textes, je vous dirais. Puis, elle a fait d'ailleurs un recueil de poésie chez Publinet. Et ça s'appelle « Les je ne sais pas », avec des tirets, bien évidemment. Ben oui. Et puis, elle travaille présentement un premier roman jeunesse. J'ai hâte de voir ça, tu sais. Oh, avec ses bon. Histoires érotiques. Et elle saute, pff, un roman jeunesse. Comment t'as fait ça? Pff, pff, voilà. D'accord. C'est un gros boom, là. Oui. Alors, voilà. Capable. Je vous invite à aller voir ça. C'est Les Fourchettes avec un s.blogspot.com. Le lien sera sur assemblagerequis.com dans les prochaines secondes. Merci pour les effets sonores et le contenu divertissant. Ça me fait plaisir. Les belles histoires. Tu pourrais nous raconter tes histoires en ondes. Ça pourrait être à la place d'un blog, une chronique radio, tu sais, nouveau média. Là, ouais, c'est radio. Ça, on verra. Genre sur les vidéos de Nutella que t'as vues. Ou... Ben oui, pourquoi pas. Ben le gars, c'est des blogs que j'ai vus. Ah. Ben, C'est aléatoire pas mal. Pas mal, c'est un peu n'importe quoi. On pourrait appeler ça « random ». Mais oui, mais en vue qu'on parle en français aujourd'hui avec des tartines et des rôtis, ben on va dire « aléatoire ». Au revoir, Myriam. Merci, madame. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mercredi à 8h, Myriam aléatoire. Pas 8h10, là. 8h. 8h. Oh, 8h. C'est ma faute, hein. Trop de chronique dans cette émission-là. Hein. Ça rentre pas. Je te dis, il va falloir faire 2h30. Il va falloir couper ces chiptunes. Non. Oh. Pas à tous les jours. Je te promets de pas en mettre à tous les jours. Vous êtes toujours Assemblage Requis. Ce qui s'en vient, c'est la chronique de Yann Martel à 8h30. Oui, exactement, qui va nous parler d'ailleurs de l'avis du comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études qui a été rendu public dernièrement. Donc, on fait ça voilà. Tout à l'heure. Oui. Pour l'instant, voici Atomic Baobab et Unstable. Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Vous êtes toujours à l'émission du matin, ici à C'est fou. Avec Mathieu Plante. François-Olivier Marchand, comme l'autre notre annonceur maison l'a dit. Si bien dit. Ben, il dit bien, il y a une voix, tu sais. Il y a une voix. Des cheveux aussi. Il y a plusieurs choses qu'on a. Oui, ben, c'est un homme, finalement. Un homme. Bon. Voici un autre homme. Un homme qu'on apprécie parce qu'il nous donne des affaires importantes, des informations qu'on doit écouter comme il faut. C'est la chronique finance de Yann Martel. Yann Martel, bonjour. Bon matin, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien vous-même. Très bien, merci. Mm-hmm. Donc, cette semaine, en fait, tu vas nous parler de l'avis du comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études qui a été rendu public, en fait, dernièrement, je pense. Oui, la semaine dernière, exactement. En fait, je vais commencer par expliquer un peu c'est quoi le comité qui a été formé. C'est un comité qui a été mis en place à la demande du gouvernement pour étudier les effets de la hausse des frais de scolarité sur les conditions de vie des étudiants. Okay. Le comité n'avait pas le mandat de se prononcer en faveur ou en défaveur de la hausse des frais de scolarité. Il y avait vraiment à étudier les effets possibles qu'allait avoir cette hausse de frais de scolarité-là sur les étudiants. Du concret, exactement. Et aussi soumettre des recommandations qui pouvaient favoriser un mieux-être financier des étudiants, okay, finalement. OK. Que la transition se fasse mieux. Exactement, durant ces années-là de hausse de frais de scolarité. OK, merveilleux. Et puis, en fait, qu'est-ce qui est ressorti là, de ça? Ben, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que l'avis a été très bien monté avec des nuances, avec vraiment des recommandations très précises. Mais chacun se l'est approprié un peu à sa façon. Puis c'est ce que François Cardinal, dans la presse, soulignait, c'est qu'il y a eu des interprétations douteuses qui ont été faites avec cet avis-là. Puis c'est un peu ce qui est dommage, parce que l'avis n'avait pas, comme je disais tantôt, objectif d'être en faveur ou en défaveur. Mais bon, d'un côté, les universités se le sont appropriées en disant, ben voyez, ce comité-là dit qu'il n'y aura pas d'impact que la hausse des frais de scolarité n'aura pas d'impact sur les inscriptions à l'université, sur l'accessibilité aux études, alors que de l'autre côté, les associations étudiantes disaient, ben non, regardez, ça dit qu'il va y avoir une diminution de 2,5%, c'est-à-dire 7 000 étudiants pour les prochaines années, alors que oui, effectivement, il y a une experte dans cet avis-là qui a été citée, mais il la discrédite tout de suite par la suite en disant que les études qui ont été faites par le passé ne démontrent pas qu'une hausse des frais de scolarité amène automatiquement et directement. Ouais, c'est une... ça, c'est pas... Que ce soit le seul lien. Non, c'est pas le seul lien. Il y a beaucoup de facteurs sociaux, de facteurs démographiques, économiques qui doivent être pris en considération. Donc, ce n'est pas directement la hausse des frais de scolarité qui amène une diminution des inscriptions à l'université à ce moment-là. OK. Et ces recommandations-là, en fait, j'imagine que Luc en a, il doit en avoir une couple, sont pas obligatoirement applicables. C'est des recommandations. C'est des recommandations, mais en même temps, en cette période chaude sur la colline parlementaire, le gouvernement serait bien mal avisé de ne pas les écouter et peut-être de ne pas les mettre en pratique. Entre autres, ce que le comité suggère, c'est de mettre en place un plan de communication. Et ça, je pense que c'est assez urgent pour bien expliquer aux étudiants tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour faire face à cette hausse des frais de scolarité. Bon, le gouvernement a déjà annoncé une bonification du programme d'aide financière aux études, du programme de prêts et bourses. Il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place, des bonifications pour le régime à temps partiel, au niveau de la contribution des parents, au niveau des dépenses admises. Bon, il y a déjà des choses qui ont été annoncées, mais il y a autre chose qui sont là et qui peuvent aider les étudiants. On en parlait tout à l'heure, François-Olivier, hors d'onde, que, entre autres, les étudiants ne sont pas au courant qu'ils sont éligibles à des crédits d'impôt quand vient le temps de leur déclaration de revenus à la fin de l'année, au niveau des frais de scolarité. Des crédits assez considérables. Oui, tout à fait. Puis au Québec, on est chanceux, c'est vraiment les crédits d'impôt les plus généreux, mm-hmm, au Canada. Okay. Parce que déjà, il y a un 15% qui peut être appliqué au niveau fédéral. Et en plus, on rajoute un 20%, ce qui est le plus généreux à travers le Canada. C'est quasiment 25% en tout, mettons. au niveau du Québec, mais si on fait le calcul, c'est 35% en tout. Donc, souvent, on entend le commentaire, ben, mes frais de scolarité vont me coûter 3 000 quelques dollars quand la hausse des frais de scolarité va être terminée, alors que si on applique ces crédits d'impôt-là, ça va être 2 400 que ça va coûter seulement. Et ça, c'est valable en ce moment même. Oui, c'est ça. Ça, c'est là. Exactement. Mais on ne le sait pas, donc on l'applique les pas. Les étudiants ne le savent pas, produisent leur déclaration de revenus comme ils pensent que ça doit être produit. Oui, oui. Ne s'informent pas auprès de comptables spécialisés, des choses comme ça, et passent à côté de belles ristournes qui pourraient faire en sorte de diminuer leurs frais de scolarité. Considérablement. Voilà. Il y a aussi autre chose que le comité souhaiterait que le gouvernement mette en place, c'est au niveau de la communication, bien sûr, du programme de remise de dette pour tous les gens qui reçoivent de l'aide financière aux études. Et ça, les étudiants ne le connaissent pas beaucoup. Et je peux vous le dire, à nos bureaux, on reçoit une infime partie de la population étudiante qui nous amène le formulaire de remise de dette. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. C'est que lorsqu'on est un étudiant qui termine son programme dans les délais prévus, prenons l'exemple d'un baccalauréat de 3 ans, et on fait nos sessions automne, hiver, sans arrêt, et que l'on reçoit des prêts et des bourses. Ça les prend deux. Les deux. Ça prend absolument les deux pour l'instant. Mais je vais vous expliquer ce que le comité suggère par la suite. Qu'on reçoit des prêts et des bourses, ben on est éligible à la fin de notre cursus scolaire à une remise de 15% de notre dette d'études. En fait, il t'enlève comme 15%. Il enlève 15% sur la dette d'études. C'est très intelligent, ça. Ben, ça, j'aime ça. Ben, c'est très intéressant pour les étudiants. Ça permet de réduire leur endettement. Mais comme je vous dis, c'est pas tous les étudiants qui sont au courant. Et c'est certain, il faut recevoir des prêts et bourses à chacune de nos sessions et le faire dans le temps prévu. Donc, il y en a beaucoup qui se disqualifient. Mm-hmm. Mais par contre, pour ceux qui n'étaient pas au courant... Une motivation aussi, non? Ben oui, tout à fait. Ça amène une motivation. Et c'est pour ça que le comité, ce qu'il suggère, c'est qu'on pourrait appliquer ce programme là aussi à ceux qui ne reçoivent uniquement que des prêts, parce que dans le fond, eux aussi s'endettent, ils ne reçoivent que des prêts. Donc, le comité suggère aussi que le gouvernement mette ce programme-là en place pour ses étudiants. Ah, c'est brillant, j'aime ça. J'aime beaucoup ça, cette idée-là. Donc, voyez-vous, le comité suggère des choses qui sont intéressantes, que le gouvernement devrait prendre en considération. Et je vous dirais, le gros travail des étudiants, bon, c'est certain, là, on voit beaucoup de manifestations qui s'en viennent. Il va en avoir une aussi la semaine prochaine. Oui, c'est ça, le 4 octobre prochain. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est certain que quand on touche l'aspect financier, tout le monde devient sensible. Dans les entreprises, on parle de couper les salaires, les gens réagissent, les syndicats se mobilisent. C'est normal qu'il y ait une mobilisation de la part des étudiants. Mais le travail des étudiants, c'est de bien s'informer, de s'assurer qu'ils ont toute l'information pour prendre une décision éclairée. Si jamais il y a des votes qui sont faits, si jamais il y a des recours qui sont pris, bien, il faut prendre le temps de bien s'informer, à savoir, est-ce que j'ai toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée à ce moment-là? Et peut-être que les étudiants, d'ailleurs, pourraient réclamer la recommandation, comme quoi que si on reçoit des prêts, faire d'autres réclamations aussi que juste s'arrêter à... Ben exactement. Plutôt que de manifester pour manifester, on pourrait dire au gouvernement, ben hey, on a entendu dire que le comité suggérait une remise de dette pour ceux qui avaient uniquement des prêts. Ça, on le veut. C'est pas discutable. Ben voilà. Donc, un 15% sur ta dette d'études à la fin de ton cursus scolaire, ça peut être très intéressant. Ben ça réduit beaucoup l'endettement. Ben oui. Puis moi, je fais partie aussi d'un autre comité avec lequel il y a d'autres responsables de l'aide financière des autres établissements d'enseignement. Et nous, notre travail, c'est de suggérer, non pas au gouvernement, mais aux dirigeants des universités, des moyens pour faire face à cette hausse de frais de scolarité-là, mais des moyens institutionnels. Donc, on est à réfléchir à des moyens. On a une première rencontre cette semaine. On a parlé de différentes choses. Bien sûr, il y a au niveau des bourses d'études, on regardait ce qui était fait dans chaque. Le premier travail qu'on a fait, c'est un peu de recenser ce qui était disponible dans chacune des universités. Mais là, on va être à partir de maintenant, on va être plus en mode réflexion puis arriver avec des suggestions. Par exemple, on parle du programme de remise de dette que le gouvernement offre. Est-ce que les établissements d'enseignement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait suggérer? On est en mode réflexion à ce niveau-là. Okay. Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple aussi, certaines réductions qui peuvent être faites pour un étudiant qui termine dans les délais prévus? Donc, on est tous en mode réflexion à ce niveau-là, puis on va proposer des choses aux dirigeants des établissements. Formidable. Ben, on essaie de travailler pour nos étudiants, n'est-ce pas? Non, c'est des bonnes idées. c'est des bonnes idées, en fait. Et puis, c'est des idées, d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Non, exactement. Puis quand les gens sont pas au courant, ben là, ils se mettent en mode plutôt argumentation. Ouais, les gens critiquent. Mais par contre, faut prendre le temps de savoir est-ce qu'on critique pour les bonnes raisons et est-ce qu'on a toute l'information de notre côté. Formidable. C'est pour ça qu'on aime que tu viennes nous en parler le matin. Ben j'essaie de vous instruire, messieurs, ça fonctionne bien. Du mieux que je peux. Ça fonctionne très bien. Yann Martel, merci. Ben, ça me fait merci plaisir. Beaucoup. Puis si les gens veulent plus d'informations, moi, je leur suggère d'aller sur le site de l'aide financière aux études, notamment pour le programme de remise de dette, où ils peuvent, soit ils peuvent venir à nos bureaux. On fait souvent la blague, ben, on peut passer voir Yann Martel à son bureau. Mais ça, pour le programme de remise de dette, j'encourage fortement les étudiants pour être certains qu'ils se qualifient ou non pour le programme. Vous passez à nos bureaux au 1260 du pavillon Albert Tessier, puis on va pouvoir regarder rapidement avec vous votre cheminement scolaire et si oui ou non, vous avez des chances de recevoir la remise de dette, finalement. OK, merveilleux. Et ça d'ailleurs, c'est des finissants? Oui, les finissants qui ont profité du programme d'aide financière du gouvernement et qui ont reçu des prêts et bourses à chacune de leurs sessions. Ben, je pense que je vais t'envoyer ma copine. Ça va nous faire plaisir de la recevoir. Et cela étant dit, des Timbits, c'est à quel bureau qu'on amène ça de l'autre pavillon, si on veut t'amener des Timbits, mettons? Parce qu'on disait la blague d'être voir à ton bureau, là, amener des petits cadeaux. Là. Oui, ben, il y a le 1260 du Albert Tessier, mais mes collègues du 1275 vont être très heureux. 1275 de Timbits. Oui, 1275 de Timbits. Merci beaucoup, Yann Martel. Hey, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mercredi prochain à 8h30, on écoute Assemblage requis, Chantal Archambault, voici Poil à boire. J'ai le feu pris à l'intérieur de moi, j'ai le cœur qui vit au tremblement dans tes yeux, je me dépose entièrement. Tes mots tendres me fondent dans la bouche, les fils de mes nombreuses idées se touchent, je n'ai plus qu'à abandonner mon corps. Beau comme on s'aime de Yann Perrault. Assemblage requis. C'est fait sonore, hein? C'est... Woo! It's me, Mario! Hey, tout le monde, on n'a pas le temps pour un poste d'écoute aujourd'hui, mais par contre, on a le temps d'écouter une pièce d'un nouvel album quand même. C'est comme si c'était un poste d'écoute, mais très, très, très rapide. Exact. On a reçu un nouvel album de Kooks. Il s'appelle Junk of the Heart. Et je suis sûr qu'on va le réentendre dans une chronique, par exemple, peut-être celle de Stéphanie Gagné. Ça se peut très bien. On va sûrement nous en faire jouer une couple de fois, je sais pas trop. Si elle passe pas tout droit. Blague! Clin d'œil. Quel clin d'œil, elle est pas venue, elle mort. Donc voici la pièce Is It Me? Sur C'est Fou, on écoute ça. Mini poste d'écoute. The Kooks! Hein? Cookie. Quickie. C'est toi qui disais ça, là. J'aime ça. On a-tu le temps? À deux, 3 minutes et demie. Oh. Is it me? Is it you? Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us, someone to introduce the show. I need someone just like you, someone to let me know. I can lose it all when I began to break down, searching over time. Bring me a pig's heart and a glass of wine. There was nothing that you could have done. There was nothing that you should have said. Is it the times that we're going through? Was it hard? Did your heart break down? Is your mind still in control? There is a violence in love. Some things I'll never understand. So where the bullets missed you out, they hit me and I'm The Kooks! Mais c'était The Kooks! Comment tu veux que ce soit mauvais? Rien sérieux, c'est bon. Mais je sais. Sérieux, ça, James. Mais on n'a pas fait de poste d'écoute avec, mais on va quand même se quitter avec une autre pièce de cet album Junk of the Heart. On va entendre Junk of the Heart en parenthèse happy pour terminer l'émission. OK. Mais c'est ça, j'aime ça mettre ça dans un poste d'écoute. François, tu me demandais, tu n'as pas besoin d'avoir de nom. Hein, c'est parce que sinon, on joue n'importe quoi en nom pendant la fou, c'est mauvais, ça. Si t'appelles ça poste d'écoute, tu peux jouer n'importe quoi. À la limite, t'as des valeurs sûres, tu sais. C'est ça. Comme une autre fois, on pourrait écouter du Obijou et du Ringo Death Star. Hein? C'est ce qu'on a écouté dans la liste du poste d'écoute. On se retrouve demain matin à 7h. Qu'est-ce qu'on a demain à l'émission, François, à 8h? Demain, jeudi, hein? C'est bien ça? Il y a Thursday. Simon Fitzbé, avec sa chronique Phénomène. Oui, on sait pas encore de quoi il nous parle, mais c'est un sujet sur la musique, là, son nom. Et François Landry, avec sa chronique Politique. Oh que oui, c'est demain matin dès 7h. Restez à l'écoute. Plus tard aujourd'hui, à 11h, c'est le Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, La Spirale, avec Mathieu Leblanc-Houle. Et puis plus tard, dans la journée, à 16h, c'est 6 degrés, avec Kimi Bergeron, Kimi Burge, qui fait des liens entre différents groupes. Yes, sir. Oui, et puis en soirée, c'est du rap avec Rap Contact à 17h ou c'est Blanc à 19h. Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou, tchou. Ça serait peut-être plus pour Psy TR, ça, à 21h. Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou, tchou. Avec du chiptune. Qu'est-ce que t'as contre mon chiptune? M'entends mettre plus, moi, si tu me dis. Non, mais là, à un moment donné. C'est parce que je m'en fais parler. On va prendre dans la rue, le monde. Hey, t'as raison, chiptune, c'est mauvais. High five, j'aime pas ça, le chiptune, moi non plus. High five, low five, middle five. On se quitte avec The Kooks. Voici Junk of the Heart. Happy, à demain, François, bonne journée. Merci, Mathieu, toi aussi. Je te dis bonne journée, en guillemets. Bonne journée. Va écouter ton chiptune. Je vais faire ça, en guillemets. Junk at heart, is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What use is that to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. To be sunk, but life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time with you, someone.